Il finit pourtant, au bout d'un certain temps, par estimer que sa femme recherchait, avec un peu trop de prédilection, la société des hommes. Qu'elle leur tint assidûment compagnie à la promenade, à la chasse, dans la salle de billard, à la bonne heure. Mais ce qui l'étonna un peu, ce fut de la voir les poursuivre jusque dans la sellerie des communs, où ils se réunissaient à peu près chaque matin pour faire des armes. Cette sellerie était une vaste pièce monumentale, pavée en mosaïque, bien chauffée, largement éclairée et tout à fait convenable à ce genre de sport. De hautes banquettes, recouvertes de sparteries, couraient le long des murailles et servaient de sièges aux spectateurs. La première fois que M. de Montrescan et ses hôtes aperçurent soudainement, à travers l'épaisse fumée de leurs cigares, Jeanne de Montrescan assise sur une de ces banquettes, ils éprouvèrent une sensation non seulement de surprise, mais de malaise. Elle était entrée sans bruit, sans être remarquée. Elle avait pris place silencieusement et regardait les tireurs qui faisaient assaut. Il parut à tout le monde assez extraordinaire qu'une personne qu'on avait crue délicate et sensible vint régaler ses yeux du spectacle de ces jeux de l'escrime qui ne pouvaient manquer de lui rappeler tout particulièrement un souvenir sinistre. Il fallut pourtant s'habituer à sa présence, car dès ce jour, elle ne cessa pas un seul matin de se trouver à la sellerie, à l'heure où M. de Montrescan s'y rendait avec ses invités. L'étrange jeune femme semblait suivre leur passe d'armes avec un intérêt passionné. Un peu penchée en avant, le front sérieux, l'œil fixe, elle s'absorbait tout entière dans la contemplation des parades et des ripostes échangées entre les adversaires. Mais c'était surtout quand son mari était en scène de sa personne que sa curiosité et son dilettantisme semblaient atteindre leur plus haut degré d'intensité. Elle était alors si attentive qu'elle n'en respirait plus. Cette extrême attention gênait même M. de Montrescan. Jeanne, cependant, à force d'application, parvint à se connaître assez bien en escrime. Elle se rendait compte assez nettement des coups et de la force relative des tireurs. Ce fut ainsi qu'elle put s'assurer que son mari était effectivement, comme elle l'avait ouï dire, un tireur d'une adresse, d'une solidité et d'une vigueur très distinguées, et que parmi ses hôtes du moment, il n'y en avait qu'un seul qui pût se mesurer avec lui sans trop d'inégalité. C'était Monsieur de Montella. Il eut même deux ou trois fois l'avantage sur son hôte dans des parties d'assaut, ce qui lui valut quelques aimables paroles et quelques compliments flatteurs de la part de Madame de Montrescan.